quelques cas de guérison. Ce petit travail serait incomplet s'il ne contenait quelques exemples de guérison. Je ne citerai pas toutes celles dans lesquelles je suis intervenue, ce serait trop long et peut-être aussi quelque peu fatigant. Je me contenterai seulement d'en citer quelques-unes des plus remarquables. Mademoiselle D, de Troyes, souffre depuis 8 ans d'un asthme qui l'oblige à rester assise sur son lit pendant la plus grande partie de la nuit, cherchant à remplir ses poumons qui lui refusent leur service. Expérience préliminaire qui la montre très sensible, sommeil immédiat, suggestion. Dès le premier jour, amélioration énorme. Mademoiselle D passe une bonne nuit, interrompue seulement par un accès d'asthme qui dure un quart d'heure. Au bout de très peu de temps, l'asthme disparaît complètement, sans rechute ultérieure. Monsieur M, ouvrier bonnetier, demeurant à Sainte-Savine, près de Troyes, paralysé depuis 2 ans à la suite de lésions à la jonction de la colonne vertébrale au bassin. La paralysie n'existe que dans les membres inférieurs. La circulation du sang est presque nulle dans ces membres, qui sont gonflés et congestionnés au point d'être violacés. Divers traitements, même le traitement antisyphilitique, ont été appliqués sans résultat. Expérience préliminaire, bien réussie, suggestion de ma part, autosuggestion de la part du sujet pendant 8 jours. Au bout de ce temps, mouvement presque imperceptible de la jambe gauche, mais cependant appréciable. Nouvelle suggestion. 8 jours après, amélioration notable. De semaine en semaine, amélioration de plus en plus grande avec disparition progressive de l'enflure, et ainsi de suite. Au bout de 11 mois, le 1er novembre 1906, le malade descend seul ses escaliers, fait 800 mètres à pied, et, au mois de juin 1907, il rentre à l'atelier, où il continue à travailler depuis ce moment, ne conservant plus trace de sa paralysie. Monsieur G, demeurant à Troyes, souffre depuis longtemps d'une entérite que différents traitements n'ont pu guérir. Le moral est très mauvais. Monsieur G est triste, sombre, insociable. Il est poursuivi par des idées de suicide. Expérience préliminaire facile. Puis, suggestion qui produit un résultat appréciable dès le jour même. Pendant 3 mois, suggestion journalière d'abord, puis de plus en plus espacée. Au bout de ce temps, la guérison est complète. L'entérite a tout à fait disparu, le moral est devenu excellent. Comme cette guérison date de 12 ans sans l'ombre d'une rechute, on peut la considérer comme complète. Monsieur G est un exemple frappant des effets que peut produire la suggestion, ou plutôt l'autosuggestion. Tout en lui faisant de la suggestion au point de vue physique, je lui en faisais également au point de vue moral, et il acceptait aussi bien l'une que l'autre. Aussi prenait-il une confiance, chaque jour grandissante. Comme il était excellent ouvrier, il chercha pour gagner davantage à se procurer un métier de bonnetier, afin de travailler chez lui pour le compte d'un patron. Quelque temps après, un fabricant, l'ayant vu travailler sous ses yeux, lui confia le métier qu'il désirait. Monsieur G, grâce à son habileté, fit rendre à son métier un produit beaucoup plus grand que les ouvriers ordinaires. Enchanté de ce résultat, l'industriel lui en confia un autre, puis encore un autre, etc. De telle sorte que Monsieur G, qui serait resté simple ouvrier s'il n'avait eu recours à la suggestion, se trouve maintenant à la tête de 6 métiers qui lui procurent un très gros gain. Madame M à Troyes, 30 ans environ, atteinte de tuberculose. Amaigrissement chaque jour grandissant malgré la suralimentation. Toux, oppression, crachat. Elle semble n'avoir plus que quelques mois à vivre. Expérience préliminaire dénotant une grande sensibilité. Suggestion, amélioration immédiate. Dès le lendemain, les symptômes morbides commencent à s'atténuer. L'amélioration devient chaque jour plus sensible. Le poids de la malade augmente rapidement bien qu'elle ne se suralimente plus. Au bout de quelques mois, la guérison semble complète. Cette personne m'écrit au 1er janvier 2011, c'est-à-dire 8 mois après mon départ de Troyes, pour me remercier. Elle me fait savoir que bien qu'elle soit enceinte, elle se porte à merveille. À ces cas que j'ai choisis anciens avec intention pour montrer que la guérison est durable, je veux en ajouter quelques autres un peu plus récents. Monsieur X, employé des postes à Lunéville, perd un enfant en janvier 1910. D'où commotion cérébrale qui se manifeste chez lui par un tremblement nerveux incoercible. Son oncle me l'amène au mois de juin. Expérience préliminaire, puis suggestion. 4 jours après, le malade revient. Il me dit que son tremblement a disparu. Nouvelle suggestion et invitation à revenir 8 jours après. 8 jours se passent, puis 15 jours, puis 3 semaines, puis 1 mois. Point de nouvelles. Peu après, son oncle revient et me dit qu'il a reçu une lettre de son neveu. Celui-ci va tout à fait bien. Il a réintégré son poste de télégraphiste qu'il avait dû abandonner, et la veille, il a passé une dépêche de 170 mots sans la moindre difficulté. Il aurait pu, ajoutait-il dans sa lettre, en passer une plus longue. Depuis lors, pas de rechute. Monsieur Y de Nancy, neurasthénique depuis plusieurs années, a des phobies, des terreurs. Les fonctions de l'estomac et des intestins s'accomplissent mal. Le sommeil est mauvais, son humeur est sombre et des idées de suicide l'assiègent. Il titube en marchant comme un homme ivre, il pense continuellement à son mal. Tous les traitements ont été impuissants et son état va toujours en empirant. Un séjour d'un mois dans une maison spéciale ne produit aucun effet. Monsieur Y vient me trouver au commencement d'octobre 2010. Expérience préliminaire relativement facile. J'explique au malade le mécanisme de l'autosuggestion et l'existence en nous de l'être conscient et de l'être inconscient. Suggestion. Pendant 2 ou 3 jours, Monsieur Y est un peu troublé par les explications que je lui ai données. Au bout de quelque temps, la lumière se fait dans son esprit. Il a compris. Je lui fais de la suggestion et il s'en fait lui-même chaque jour. L'amélioration, d'abord lente, devient de plus en plus rapide. Et au bout d'un mois et demi, la guérison est complète. L'ex-malade, qui naguère se considérait comme le plus malheureux des hommes, s'en trouve maintenant le plus heureux. Non seulement il n'y a pas eu de rechute, mais encore il est impossible qu'il s'en produise, parce que Monsieur Y est convaincu qu'il ne peut plus retomber dans le triste état où il se trouvait autrefois. Monsieur E, de 3, attaque de gouttes. La cheville du pied droit est enflée et douloureuse. La marche est impossible. Les expériences préliminaires le montrent très sensible. Après la première suggestion, il peut regagner, sans l'aide de sa canne, la voiture qu'il a amenée. Il ne souffre plus. Le lendemain, il ne revient pas comme je lui avais dit de le faire. Sa femme vient seule et m'apprend que le matin, son mari s'était levé, qu'il avait chaussé ses souliers et était parti visiter ses chantiers à bicyclette. Ce monsieur est peintre. Inutile de vous dire ma stupéfaction. Je n'ai pas suivi ce malade qui n'a pas daigné revenir chez moi. J'ai su qu'il était resté longtemps sans rechute, mais j'ignore ce qui s'est produit depuis lors. Madame T. de Nancy. Neurasthénie, dyspepsie, gastralgie, entérite, douleurs dans différentes parties du corps. Elle se soigne depuis plusieurs années avec un résultat négatif. Suggestion de ma part, autosuggestion journalière de la sienne. Amélioration sensible dès le premier jour. Cette amélioration se continue sans interruption. Actuellement, cette personne est guérie depuis longtemps au moral et au physique. Elle ne suit plus aucun régime. Il lui semble qu'il lui reste un peu d'entérite, mais elle n'en est pas sûre. Madame X, sœur de Madame T, neurasthénie profonde, elle reste au lit 15 jours par mois, dans l'impossibilité de se mouvoir et de travailler. Inappétence, tristesse, mauvais fonctionnement de l'appareil digestif. Guérison en une seule séance. Cette guérison semble devoir être durable puisque, jusqu'ici, il n'y a pas eu la moindre rechute. Madame H, à Maxéville, eczéma généralisé, il est particulièrement intense à la jambe gauche. Les deux jambes sont enflées, surtout aux chevilles, la marche est difficile, douloureuse. Suggestion. Le soir même, Madame H peut faire plusieurs centaines de mètres sans fatigue. Le lendemain, les pieds et les chevilles sont désenflés et ne renflent plus depuis. L'eczéma disparaît rapidement. Madame P, à la Neuvéville. Douleur dans les reins et les genoux. La maladie dure depuis 10 ans et va en empirant chaque jour. Suggestion de ma part et autosuggestion de la sienne. Amélioration est immédiate et augmente progressivement. La guérison s'obtient rapidement et dure toujours. Madame Z de Nancy a contracté en janvier 1910 une congestion pulmonaire dont elle n'est pas remise 2 mois après. Faiblesse générale, inappétence, digestion mauvaise, selles rares et difficiles, insomnie, sueur nocturne abondante. Dès la première suggestion, la malade se sent beaucoup mieux. Au bout de 2 jours, elle revient et me dit qu'elle se trouve tout à fait bien. Toute trace de maladie a disparu. Toutes les fonctions s'accomplissent normalement. 3 ou 4 fois, elle a été sur le point de transpirer. Mais chaque fois, elle s'en est empêchée par l'emploi de l'autosuggestion consciente. Depuis ce moment, Madame Z se porte à merveille. Monsieur X, professeur à Belfort, ne peut parler pendant plus de 10 minutes à 15 minutes sans devenir complètement aphone. Différents médecins consultés ne lui trouvent aucune lésion dans les organes de la voix. L'un d'eux lui dit qu'il a de la sénilité du larynx, et cette affirmation le confirme dans l'idée qu'il ne pourra jamais se guérir. Il vient à Nancy passer ses vacances. Une dame que je connais lui conseille de venir me trouver. Il refuse d'abord, enfin il y consent, malgré son incrédulité absolue dans les effets de la suggestion. Je lui en fais néanmoins et le prie de revenir le surlendemain. Il revient le jour dit et me raconte que la veille, il a causé tout l'après-midi sans devenir aphone. 2 jours après, il revient encore, la phonie n'a point reparu. Bien que Monsieur X ait non seulement beaucoup causé, mais qu'il ait encore chanté la veille, la guérison a persisté. Avant de terminer, je tiens à vous dire encore quelques mots sur un procédé excellent à employer par les parents pour faire l'éducation de leurs enfants et les débarrasser de leurs défauts. Ils doivent pour cela attendre que l'enfant soit endormi. L'un d'eux pénètre avec précaution dans sa chambre, s'arrête à 1 mètre de son lit et lui répète 15 ou 20 fois, en murmurant, toutes les choses qu'il désire obtenir de lui, tant au point de vue de la santé, du sommeil que du travail, de l'application, de la conduite, etc. Puis il se retire, comme il est venu, en prenant bien garde d'éveiller l'enfant. Ce procédé extrêmement simple donne les meilleurs résultats, et il est facile d'en comprendre le pourquoi. Quand l'enfant dort, son corps et son être conscient se reposent. Ils sont, pour ainsi dire, annihilés, mais son être conscient veille. C'est donc à ce dernier seul que l'on s'adresse, et comme il est très crédule, il accepte ce qu'on lui dit, sans discussion, et petit à petit, l'enfant arrive à faire de lui-même ce que les parents désirent. Conclusion. Quelle conclusion tirer de tout cela? Cette conclusion est bien simple et peut s'exprimer en peu de mots. Nous possédons en nous une force, une puissance incalculable, qui, lorsque nous la manions d'une façon inconsciente, nous est souvent préjudiciable. Si, au contraire, nous la dirigeons d'une façon consciente et sage, elle nous donne la maîtrise de nous-mêmes et nous permet non seulement d'aider à nous soustraire nous-mêmes et à soustraire les autres à la maladie physique et à la maladie morale, mais encore de vivre relativement heureux, quelles que soient les conditions dans lesquelles nous puissions nous trouver. Enfin, et surtout elle peut, elle doit être appliquée à la régénération morale de ceux qui sont sortis de la voie du bien. Émile Coué.